cache ses malheurs, enfouit sa peur sous sa jupe de cuir noir, ses chaînes en argent, sa drogue et son café noir, et la folie de ses 20 ans. Les cigarettes roulées pour éviter de trop fumer, la fille en noir zone tard le soir. Ses problèmes, la délivre d'elle-même. Elle écoute du reggae pour éviter de trop penser. La jeune fille en noir voudrait tant y croire. Raisonnable, sensible et sage, relèvera le défi des sentiments pour la vie. Cet oiseau noir suivra son motard, serrant dans ses bras l'enfant de l'espoir, déchirant le voile du désespoir. We'll be right back.